Le Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 17 un questionnaire ouvert titré « Répondre à notre appel patriotique ou s'opposer jusqu'au bout à l'aspiration de la réunification nationale ». Les autorités sud-coréennes doivent y répondre clairement. En voici le résumé. Cette année marque les 45 ans de l'historique déclaration commune du 4 juillet et 10 ans de la déclaration du 4 octobre. Donc, tous les compatriotes du Nord, du Sud et d'Outre-mer se déterminent à ouvrir une large voie de la réunification indépendante, alors que nombre de pays et peuples du monde attachés à l'indépendance, à la justice et à la paix aussi, formulent soutien et solidarité actifs à la grande marche de notre nation vers la réunification indépendante. Le Conseil pour la réconciliation nationale lance un questionnaire suivant pour confirmer clairement devant toute la nation et la communauté internationale la position et l'attitude des autorités sud-coréennes à l'égard de notre appel patriotique. 1. Est-ce que les autorités sud-coréennes ont l'intention d'accepter notre projet réaliste d'écarter des conflits militaires et dangers de guerre aigus entre le Nord et le Sud? 2. Est-ce que les autorités sud-coréennes veulent tuer le temps tout en mettant en cause, comme toujours, notre projet d'aboutir à un grand rendez-vous national pour la réunification? 3. Est-ce que les autorités sud-coréennes ne savent pas que la confrontation avec les compatriotes, en collision avec les forces étrangères, sert de crime sioniste et servile? 4. Est-ce qu'il n'est pas encore temps que les autorités sud-coréennes sachent que c'est une chimère d'oser empêcher la progression vigoureuse de la Corée du Sud par des embargos et pressions? 5. Est-ce que les autorités sud-coréennes veulent accepter notre appel patriotique ou s'opposer jusqu'au bout à l'aspiration de la réunification nationale? Notre appel a marqué une phase nouvelle de la réunification indépendante cette année significative par la force unie de la nation, reflète le vœu ardent des compatriotes pour la réunification et notre sincérité ardente d'y subordonner toutes les affaires. Les autorités sud-coréennes sont donc tenues de clarifier leur position à nos questions de principe, traduisant la volonté de tous les compatriotes, à l'heure actuelle, décidant de l'avenir de la nation et de la réunification. Dans l'alternative fatale, indépendance nationale ou servilité aux forces étrangères, réconciliation nationale ou confrontation, paix ou guerre, les autorités sud-coréennes doivent faire un choix sage.